Ça fait drôle de parler après ce thème-là et de ne pas être Denis Barry. On le soulignait, probablement un des thèmes les plus longs de l'histoire de la radio. Il y avait peut-être les plus écoutés aussi. Il n'y avait que Denis Barry pour faire ça et c'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, dans son créneau à lui, l'émission L'Opineur du Chef pendant 30 ans, ça aurait fait 30 ans cette année et on est là pour lui rendre un hommage. Tania Beaumont qui est avec vous, Jean-Pierre Gué. Oui, ben Denis et moi, on était des bons vieux amis, puis des grands complices dans plusieurs projets qu'on a réalisés à l'extérieur de CKRL. Mais ce soir, on va parler surtout de son travail à CKRL. Mais il y aurait beaucoup à dire sur Denis Barry comme intervenant culturel à Québec. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à des gros projets avec lui. Et j'espère qu'on aura la place pour en parler à un moment donné, parce que ça valait vraiment la peine ce qu'il a fait pour donner la place, notamment, puis je veux juste faire une petite parenthèse. Denis, c'était un grand homme de cœur et qui croyait beaucoup à la nature humaine et qui travaillait dans la fonction publique et qui travaillait donc avec des gens qui étaient souvent mésestimés, sous-estimés, méprisés par les gestionnaires et tout ça. Et Denis avait réussi à mobiliser plusieurs personnes de la fonction publique dans des projets culturels où il les a fait chanter. Et on a organisé des grands shows avec Denis. Moi, j'étais son régisseur, puis Denis avait les idées. On a fait des shows mémorables avec des employés de la fonction publique qui prenaient les planches et qui ont fait des shows qui, quant à moi, étaient dignes de beaucoup d'autres shows qu'on voit ailleurs. Donc, ça, je pense que c'est un côté de Denis Barry qu'on n'aura pas l'occasion d'apprivoiser ou de parler ce soir, mais je pense qu'il faut que les auditeurs sachent que Denis, en dehors de L'Opineur du Chef, c'était aussi un grand intervenant culturel. Mais ça prendrait plus que 2 heures, évidemment, pour lui rendre hommage au complet. Caroline Stephenson aussi avec nous. Bonsoir, Tania. Allô, Caroline. Toi, tu vas t'occuper un peu des réseaux sociaux. Oui, bien déjà, les gens ont réagi un peu partout, hein, que ce soit sur Facebook, sur la page de Denis, sur la page de L'Opineur du Chef ou encore sur la page officielle de CKRL. Un peu partout, d'ailleurs, les commentaires affluent. Ce soir, hein, comme tu vas sûrement le dire, mais les gens peuvent nous téléphoner, peuvent écrire aussi, que ce soit sur la page de CKRL, là, sur la page Facebook. Puis comme ça, là, au fil de la soirée, je pourrais lire quelques commentaires. Eh oui, on veut ces 2 heures vraiment un partage de souvenirs de Denis Barry. On vous invite à nous appeler 418-640-1586. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. On aura plusieurs personnes qui vont venir nous voir aussi en studio. Question de partager, de souligner sa mémoire aussi. On a un choix musical qui a été fait par Jean-Sébastien Grondin qui se veut en quelque sorte un top 20 de L'Opineur du Chef. On aura aussi de la musique qui a été faite par Denis parce qu'il a eu le temps à la fin de sa vie de terminer un album, une compilation double. Il y a plus que de la musique là-dedans. On entend Denis, il y a certains trucs aussi qui a été ajouté. Un album qu'on pourra se procurer à plusieurs endroits. Donc, on va en entendre des extraits aussi parce qu'on sait que Denis était très, très près de la musique, comme tu le disais, oui, Jean-Pierre. Oui. Ah oui. Donc, au cours de ces 2 heures, les gens sont invités à partager autant sur Internet parce que c'est pas toujours facile de le faire en ondes aussi. Plusieurs personnes qui ont été invitées et qui ont malheureusement décliné, pas par manque de volonté, mais parce que ça a été trop difficile de pouvoir témoigner. Alors, l'écrit, il y a ce côté-là. On peut le faire. C'est toujours plus facile. N'hésitez pas à poster en bon français sur la page Facebook. Sinon, à nous appeler parce qu'on veut vous entendre. Vous l'avez écouté pendant tellement d'années. C'est maintenant à vous de partager sur les ondes dans son créneau à lui, le jeudi entre 20 et 22 heures. 418-640-1586 pour partager. Et on va commencer par une pièce qui est la première, d'ailleurs, de cet album qu'on va pouvoir se procurer chez Sion, l'album de Denis Barry. On va entendre... Donc, c'est une primeur. C'est pas que des nouveautés là-dessus. Okay. Là. Donc, mais oui, on peut dire que c'est une primeur de l'album. Ça n'a jamais joué nulle part. Une primeur de l'album, voilà. Il s'est fait une primeur à lui-même. Et d'ailleurs, je souligne, parce que pour les dernières fois où on s'est parlé en 2014, il avait tellement hâte de venir me présenter son album. Donc, ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir de pouvoir présenter son album comme il l'aurait voulu. Alors, voici la première pièce qui s'appelle « Il y a des jours ». Il y a des jours où on dirait que tout me parle, que tout me dit quelque chose. Et il y a ceux où j'en doute un peu. Évidemment, avec les réseaux sociaux de nos jours, l'information circule beaucoup. Et il y a Antoine et Geneviève, qui sont les enfants de Denis Barry, qui ont publié sur la page Facebook de Denis un magnifique texte pour apprendre cette malheureuse nouvelle. Caroline Stephenson. Ben, je vous la lis parce qu'elle est très jolie et ça met en contexte aussi de la façon dont Denis est décédé. Alors, ça va comme suit. En cette calme journée de janvier, Denis a fermé ses paupières pour la dernière fois. Il est parti doucement, dans l'amour et la sérénité, accompagné de ceux qu'il aime, comme il l'avait souhaité. Notre bien-aimé opineur du chef a été emporté par le cancer et laisse derrière lui une vie extraordinairement remplie, remplie d'accomplissements et de moments magiques partagés avec chacun de nous. Denis a toujours souhaité le meilleur pour son entourage et il a choisi d'être discret sur son état de santé afin de ne pas blesser ceux qu'il aime et de rester centré sur le positivisme jusqu'à la fin. Si vous le souhaitez, prenez un instant pour vous remémorer ce que Denis a été pour vous. Son âme est immortelle et il rayonnera pour tous pour l'éternité. Une célébration aura lieu en son honneur et sera annoncée là dans les prochains jours. Bon voyage, mon beau Denis. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. Harvest Moon de Neil Young, un classique, évidemment, dans le choix musical de Denis. Ça commence à appeler, c'est pas tout le monde qui veut parler en ondes. Par exemple, on est là aussi pour prendre et faire la courroie de transmission, finalement, Jean-Pierre. Ben écoute, Tania, je raconterai pas tout ce que M. André Suzard de Portneuf, qui est un auditeur fidèle de Denis depuis de nombreuses années et qui enregistre ce soir l'émission sur une mini-cassette pour se rappeler justement le bon temps de Paris. Alors, M. Suzard, vous êtes avec nous. On vous invite donc, vous et bien évidemment tous les autres qui avaient aimé Denis Barry, gênez-vous pas pour nous appeler au 640-1586. Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui pouvait être à Québec. Il y a des gens qui ont laissé des mots sur Internet. Jean-Pierre, toi, tu as reçu un courriel d'un ami proche. En fait, moi, j'ai reçu... Denis avait un grand ami qui s'appelle Pierre Lafrenière, qui est aussi mon grand ami. Fait qu'on est comme un espèce de trio, un petit serré, là. Et Pierre est actuellement en Afrique du Sud et il était avec Denis toute la dernière année. Il demeure dans les cantons de l'Est. Il est venu régulièrement assister Denis, aider Denis. Il a été avec Denis jusqu'à presque sa mort. Donc, c'est un très, très, très, très proche d'ami. C'est le plus proche de Denis au-delà de sa famille. Et Pierre, évidemment, a appris sa mort en Afrique du Sud, et il m'a envoyé ce courriel que je préfère, Caroline, que tu lises à ma place parce que je me rendrai pas au bout. C'est émotif, je veux pas. Okay, alors j'y vais. Il est midi, heure de la Namibie. Il est donc 5 heures du matin à Québec. Manon et moi sommes en plein cœur du désert du Namib. Curieusement, il n'y a personne autour. Peut-être est-ce la crainte de la chaleur qui en a retenu plusieurs. Et pourtant, il souffle ici un vent frais. Sans doute l'esprit de Denis, qui rend la température tout à fait agréable. Manon dort sur un banc à l'ombre d'un arbre. Quand elle se réveillera dans quelques minutes, nous marcherons vers Sossusvei, un salar au milieu des sables rouges qui attire des gens de partout dans le monde et où nous avons décidé de déposer la pierre que nous avions choisi de rapporter d'Afrique du Sud, pierre que nous avons décidé de rapporter à Denis. C'est là qu'elle reposera jusqu'à la fin des temps. Ce sera notre façon à nous de lui rendre un dernier hommage, à défaut d'être à Québec avec vous pour souligner son départ. Nous en prendrons une photo. J'en enverrai aussi une copie à Geneviève, Antoine, ses enfants, Jacinthe et aux amis qui l'ont accompagnée au cours des derniers mois. Je suis émue à la pensée que CKRL présente une édition spéciale en souvenir de Denis, tout comme le prix qu'il a reçu un peu plus tôt cette année. Il le mérite amplement. Pendant plus de 30 ans, il aura été pour tous un grand opineur du chef. Mais pendant 40 ans, il aura surtout été pour moi le meilleur ami que la vie m'ait donné. Que le vent du désert porte désormais à jamais la voix, l'esprit et le cœur généreux de notre ami si cher. Bon voyage, mon opineur, Pierre. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Je me couche toujours à 8 heures, sauf le jeudi, parce que j'écoute mon grand-papa Denis à la radio de CKRL. Alors, le petit-fils de Denis. Juste pour préciser, dans le texte de Pierre que Caroline vient de lire, on parlait de prix qu'il a reçu à l'Assemblée générale de CKRL qui lui a remis le prix Jean-Louis Dubé, donc pour quelqu'un qui s'implique depuis très longtemps à CKRL. Et il y a l'ARC aussi, l'Association des radios communautaires du Québec, qui a remis le prix Bravoure. Un peu la même chose, quelqu'un qui est impliqué et qui a fait rayonner aussi la radio communautaire. On vous invite à appeler. Il y a quelqu'un au bout du fil, M. Louis Duval, de la boîte à musique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aviez envie, vous aussi, de partager quelques souvenirs de Denis? Oui, absolument. Et je salue Jean-Pierre en même temps. Ben, salut, Jean-Pierre se souvient sûrement aussi de quelques émissions. Écoute, moi, j'étais très, très flatté à une certaine époque où je commençais, quand Denis Barry m'avait demandé de le remplacer. Puis c'était une époque là où... fallait pas se tromper trop à radio, on avait des réactions assez promptes. Il suffisait de vérifier là parfois là, puis le téléphone sonnait puis tout ça. Alors quand Denis m'avait demandé ça, moi j'étais extrêmement nerveux, j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer s'il faut que je fasse une erreur? Mais il m'a dit il n'y a pas d'erreur possible dans mon émission. Alors ça j'avais trouvé ça intéressant, puis on était voisins, alors j'ai dit je vais passer puis tu me donneras quelques conseils. Fait qu'il m'avait juste donné un disque, puis il y avait rien sur le disque. C'était marqué écrit bonne chance. C'était Denis. On avait fait un spécial de Noël aussi, puis à un moment donné, on s'est ramassé à parler des classelles, puis enfin, C'est incroyable. Avec Denis, c'était toujours quelque chose qui... On s'est fait un plan, puis on était rendu avec la selle, tu sais. Alors, ça avait pas tellement... c'était très amusant, puis c'était toujours de bon ton, c'était léger. C'était pas... Puis en même temps, c'était sérieux, parce que les téléphones ne dérougissaient pas. Alors, pour moi, c'était une réponse que les gens aimaient ça. Hein, quand les gens n'aiment pas ça, ils appellent pas. Pour moi, c'était ça un peu. Alors, voilà. Puis c'était une très, très belle expérience que... Malheureusement, j'ai dû recommencer à travailler. Mes horaires étant atypiques, je peux plus vraiment faire de radio à ce moment-ci. Mais c'est ça. Alors, j'avais vu Denis il n'y a pas tellement de temps, peut-être une couple de mois, à un moment donné. Je l'avais vu sur la rue Cartier, je l'avais envoyé la main, mais je suis prêt avec un autobus de 50 pieds de long. C'est un peu difficile d'aller stationner. C'est un peu plus difficile. On t'a envoyé la main, il avait trouvé ça bien drôle, puis tout ça. Ouais. Je me suis dit, à un moment donné, je me reprendrai, mais je savais pas à ce moment-là que... Quelle était sa condition? Enfin, je lui souhaite bon voyage. Ben, merci, Louis. C'est moi qui te remercie, Jean-Pierre. Merci à vous tous. C'est vrai ce que Louis disait, là. L'émission de Denis, c'était comme une religion. C'était écouté par un nombre... Toi, Tania, tu avais des statistiques, je pense, sur... Sur le téléchargement, parce qu'on parlait tout à l'heure d'enregistrer sur des cassettes. Maintenant, la technologie nous permet d'avoir le podcast, donc la balado-diffusion. Moi, personnellement, avec mon émission, je fais beaucoup d'efforts de partage sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui retweetent, qui repartagent. Et je n'arrive même pas à la cheville du téléchargement que Denis fait avec aucune promotion. Moi, Denis m'avait annoncé au mois d'août qu'il n'allait pas reprendre l'opinion du chef. Donc, depuis septembre, il n'y a plus de cette émission, mais elle est encore la plus téléchargée. Il n'y a personne. Il y a Michel Dubois avec Rue d'Auteuil qui s'en approche, mais il est encore au moins à 5000 téléchargements de battre Denis. Donc, c'est un succès sur toute la ligne encore aujourd'hui. Et Denis faisait jamais de promotion de ça. Là. Denis faisait son émission, puis après ça, que les gens viennent me télécharger, ça c'était leur affaire, mais c'était pas celui qui courait après ça, puis qui voulait que les gens fassent du téléchargement ou quoi que ce soit d'autre. Il laissait les gens aller sur le site Internet à leur guise et voyez-vous, c'était, il y avait les résultats derrière lui. Petite parenthèse, il y a quelqu'un qui a écrit il y a une quinzaine de minutes « Je suis... nous, en fait, ce soir, nous sommes Denis. » Ah, c'est beau. C'est chou. Du bonbon. Ça rentre les commentaires, là. Du bonbon, l'auto-promo qu'on vient d'entendre. N'hésitez pas sur Facebook à nous écrire ou à nous appeler. Témoignages. Quoi qu'il en soit, la belle musique, ça demeure la belle musique, peu importe les années, peu importe l'âge, parce que je sais que l'auditoire se renouvelle d'année en année, que les enfants des parents qui écoutaient l'émission sont là pour plusieurs. Pas tous, il y en a qui sont mis à bout en se disant hey, je ferais pas comme mon père ou ma mère, j'écouterais pas ça comme ça tous les jeux du soir. Quand même, peut-être qu'ils se rendent compte qu'à d'autres postes, c'est pas tout à fait évident tout le temps. Une chose, je vous fais jouer ma mère à l'occasion, qui me parle, qui dit que je suis tapotonnant, là. Mais ma mère, une fois, est allée voir le film. Le dernier film qu'elle est allée voir, c'était Ben-Hur. Ça vous dit à peu près le nombre de fois qu'elle va au cinéma, qu'elle allait, puisque maintenant, elle est du passé. Le dernier film qu'elle est allée voir, c'était Ben-Hur, puis là, elle va voir le Titanic avec la gang du foyer. La résidence, appelons-nous ça par un nom, comme un siège. Ils ont des noms, là. Alors, c'est ça, elle va voir le film. Quand DiCaprio, il arrive sur le bord de l'escalier, là, copé, là, tu sais, parce que la madame, elle y a passé son l'habit de son chum, son fils, là, je ne sais trop pourquoi, qu'elle traîne ça dans ses bagages, d'ailleurs. Il était beau, en tout cas. Mais quand il est arrivé là, le cinéma a passé au feu. C'était carrément. Là, toutes les sprinklers ont parti. Puis là, c'est le Titanic en avant. Il n'y a pas assez d'eau dans ce film-là pour éteindre le feu. Elle m'a appelé le lendemain matin, puis elle a dit, Denis, c'est pas sûr que ça va bien, là. Elle a dit, j'allais voir un film hier soir, là, de Titanic. Et puis, le cinéma a passé au feu. En tout cas, j'ai été assez smart, j'ai pas raconté à la fin, là, mais en tout cas, quand elle venait à l'appartement, après, j'ai fait jouer du vidéo, mais... En tout cas, c'est bien inabominable que ça finisse comme ça, ce film-là, parce qu'il était beau, quand même, DiCaprio. Voilà, c'était l'anecdote de l'opinaire du chef de ce soir. Alors, on va continuer comme ça. J'espère que la vie va nous scier jusqu'à la fin. Et puis, c'est la grâce que je vous souhaite. On s'en va encore un petit peu en énergie. In and around the lake, mountains come out of the sky. They stand there, 24 before my love, and I'll be there. Oh, ce fameux jeudi soir de 20 à 22 heures, quand Denis, justement, m'a annoncé qu'il ne pouvait pas revenir et continuer l'opinaire du chef pour des raisons de santé, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui remplace l'opinateur du chef après 30 ans? Et encore là, qui accepterait de chausser ça? Et j'ai demandé à Michel Drolet, animateur de Mézanine. D'ailleurs, on te vole ton émission, Michel, aujourd'hui. Merci. Aucun problème. Mais Michel, d'ailleurs, quand tu as appris la nouvelle, toi, sur les réseaux sociaux aussi, t'as partagé, entre autres, oui. Dans tes premiers contacts avec Denis. Oui, oui, c'est ça, parce que... En fait, ça a été... J'ai fait un petit texte... Vraiment, à l'improviste, là, j'ai fait ça sur le coup, sur le choc, je dirais. Parce que après le souper, mardi, j'étais allé sur Facebook pour voir continuer à préparer mon émission pour ce soir, qui est maintenant une émission hommage à Denis Berry, et j'en suis très content. Un petit texte, là, puis c'est sorti tout seul comme ça. Mm. Et c'est ça, en fait, en gros, je dis que c'est sorti vraiment spontanément. Donc, avec l'émotion. Avec l'émotion, oui, vraiment. parce que je rencontrais Denis à tous les jeudis. Ben oui, ben oui. Mézanine était de 18h30 à 20h. Et lorsque Denis arrivait, ben je le voyais bien souvent arriver. Ceux qui ont déjà vu les studios de CKRL savent comment c'est organisé. Donc... on voit dehors une belle grande vitrine. Donc, je voyais Denis arriver. Et là, l'été, lorsqu'il faisait beau, il s'assoyait sur le banc. Pas l'hiver, le banc n'est pas là, mais... mais l'été, il est là. L'été, il est là. Donc, Denis s'assoyait en attendant de prendre son tour. Et... mon Dieu, qu'est-ce que je dis sur mon studio? Mais quand il arrivait dans le studio, ça se passait comment? Là, parce qu'il y a l'échange qui se fait entre vous deux. Puis lui, j'imagine qu'il devait travailler avec des tables tournantes un peu, là, de temps à autre. Non? Ah oui, oui, parce qu'il arrivait avec son sac rempli de disques, de CD, de vinyles et que sais-je. Il arrivait, puis bien souvent, j'entendais la porte fermée. Donc, je savais que c'était Denis. Si je l'avais vu, alors on s'envoyait la main. Et mais c'est ça, lorsqu'il arrivait l'été, il s'assoyait en attendant son tour et l'heure venue, il rentrait. C'est ça, on s'envoyait la main le temps de préparer, de se concentrer, parce que Denis se concentrait beaucoup lorsqu'il faisait son émission. Oui. Je me rappelle à un certain moment donné, je lui parlais, il disait « bon, j'aime bien parler avec toi, Michel, mais il faut que je me concentre. Oh, c'est beau. Alors, j'ai quitté. Oui, parce que Denis, moi, je pourrais avoir travaillé avec lui, comme je disais tantôt. Oui. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de se mettre dans l'esprit du travail qu'il a à faire. Puis c'était pas un travail pour lui, mais il voulait se mettre dans l'esprit de son émission parce qu'il y a un feeling dans son émission. Puis lui, il était déjà dedans avant même d'arriver. Oui. Alors, toute petite discussion qu'il y avait entre les deux, là, ça venait comme le déranger. Oui, tout à fait. Et je me rappelle, je croisais souvent au festival d'été et lorsque je le voyais, je me rappelle à un certain moment donné, il était assis au pigeonnier. Mm-hmm. Il attendait que le spectacle commence. Et bien là, ben, on peut dire que le spectacle est terminé. Mm. On attend le rappel, malheureusement. qui ne viendra jamais. Vienne. Mais cette émission fait un peu une sorte de rappel. On invite les gens à nous appeler pour partager les souvenirs. Ça sonne depuis tout à l'heure. Oui. C'est pas tout le monde qui est prêt non plus à passer en onde. On a M. Duval qui l'a fait. On peut prendre les messages aussi et les mentionner. Il y a pas de problème. On comprend que c'est pas tout le monde qui veut passer à la radio. 418-640-1586. 418-640-1586. Michel Drolet, merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine. Exact. On te laisse ce précieux jeudi à 20h. Aucun problème. N'importe quoi. Il n'a pas changé. Plus ça va, plus il est beau, puis il est meilleur qu'il est. Il a toujours été parfait. C'est sa magie. C'est sa magie à lui. C'est tout lui, c'est vrai. C'est un gars qui est vrai. Il y a toutes sortes de choix de chansons. Oh, je trouve donc qu'il a de l'air gentil, propre, et il y a tout ce gars-là. Il y a tout, il y a tout. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to belong. Lord, the way of the mind kept on. The sky is clearing and the night is bright. The sun, he come, the world is all love. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Sing the blues, you got to live the truth in the carry on, love is coming. Évidemment, un choix musical qui ressemble à Denis Barry. C'était très bien l'occasion de le faire. Caroline Stephenson, sur les réseaux sociaux, ça continue de témoigner, de partager des émotions, ben oui, des souvenirs. Oui, je vous en lis quelques-uns. Évidemment, on choisit. Là, j'ai Francine Asselin qui écrit quelques minutes. « Même ton silence parlait. Cher opineur du chef, tu m'as fait découvrir et aimer la radio communautaire. Tu m'as fait tant voyager dans ton univers musical, tant de sensibilité, tant de générosité et tant de moments de bonheur tout au long de ces années. Un de ces êtres rares qui font que la vie est plus douce. Bon voyage, que la musique berce ton âme où que tu sois. Merci, Denis. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça, c'était Francine Asselin. Il y en a un autre de Joanne Lafrance que je vous lis à l'instant. Pour toi, Denis, pour toutes ces merveilleuses soirées passées en ta compagnie. Merci pour tout le bonheur que tu nous as apporté à chaque jeudi. Lorsque je regarderai les étoiles, j'en verrai une nouvelle maintenant et elle sera plus que brillante. C'est la tienne maintenant. Bon voyage dans l'univers. Alors, si vous avez envie que Caroline lise vos messages, n'hésitez pas sur la page Facebook de CKRL, dans le groupe de l'opinion du chef aussi, on va voir là-bas, sur la page de Denis Barry. N'hésitez pas. Sinon, vous nous appelez au 418-640-1586, comme l'a fait Magali Rouillard-Bazinet, qui, quand elle était jeune, a enregistré des publicités. Est-ce que c'est bien ça, Magali? Oui, c'est ça. Donc, t'as enregistré des publicités pour l'opinion du chef? Je sais pas, ça fait vraiment longtemps. J'ai 22 ans aujourd'hui, puis j'avais peut-être 8-9 ans à l'époque. Mais je me souviens, c'était comme... C'est une publicité, il y avait une petite fille qui parlait, c'était moi, bien évidemment. Puis on entendait la musique de la musique pour endormir les bébés. Puis je sais même pas c'était quoi... Je ne me souviens même plus de la publicité, mais je me souviens que Denis était vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, naturellement. Puis sûrement, moi, j'avais de la misère ou j'avais de la misère à suivre. Puis il me disait, « Là, Magali, si tu veux pas faire la publicité, on va trouver quelqu'un d'autre. » C'est quand même... Mais comment t'as connu Denis? En fait, c'est Denis, c'est un ami de ma famille. Je le connais depuis que je suis toute petite. Puis pendant longtemps, ça s'est terminé cette année en août. On faisait les rendez-vous doux ouais. Chez Micheline Bouzigon, à Québec, sur la rive sud. Et à chaque rendez-vous doux, c'est un rendez-vous d'artistes en fait. On allait là, on partageait. De la musique, des chansons, des poèmes. J'étais allée là danser plusieurs fois. Je chantais des chansons quand j'étais jeune. Cet été, j'ai présenté mes slams poétiques. C'était triste un peu parce que c'était le dernier rendez-vous doux. Depuis que je suis jeune, je connais Denis et c'est une vraie inspiration. Est-ce que tu écoutais ses émissions? Parce que normalement, son auditoire était peut-être un peu plus vieux que toi. Non, c'est ça. J'ai écouté ces émissions par-ci, par-là, mais j'étais pas toutes les semaines. Mais Magali, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est vraiment très gentil. Et puis, on va essayer peut-être de retrouver un jour là, cette publicité-là que tu avais faite avec Denis. Merci, merci beaucoup, Magali. Merci. Puis, je dis bonjour à tous les proches, la famille, les amis de Denis. Et reste en paix, Denis. On t'aime. Une vraie inspiration artistique. Il y aura toujours du monde qui diront jamais que c'est beau ce que vous faites, qui répondront pas à vos courriels, qui vous parleront même pas de votre nouveau chandail. Pourtant, ce monde-là, il vous parle de ce qu'ils ont acheté, de leurs enfants, d'eux autres, avec du détail, comme si ça vous intéressait. De façon générale, le monde y écoute pas, il parle. Il vous donne plein de raisons de rester silencieux. Vous cherchez une porte de sortie pour filer en douce avec des gens qui vous ressemblent? Écoutez l'opineur du chef avec Denis Barry tous les jeudis soirs de 20h à 22h à CKRL, la radio qui s'intéresse à vous. Et Denis s'intéressait aux gens. C'est pas pour rien qu'il avait toujours des publicités qui sortaient de l'ordinaire. Merci à Magali Rouillard-Bazinet, à qui on a parlé juste avant. C'était pas elle, là, dans la publicité, parce qu'à l'époque, elle était beaucoup plus jeune que ça. Nathalie Lessard, on a reconnu ton rire. Oui. Toi aussi, on parlait des rendez-vous doux avec Magali. Oui, dont j'étais. Je me souviens aussi de la prestation, justement, de Magali, qui a livré deux magnifiques slams et qui a grandi dans cette famille. Les rendez-vous doux, c'était au mois d'août et des rendez-vous très doux. Comme le rendez-vous avec Denis, finalement, lorsqu'on rencontrait cet être-là, c'est vrai. Ah, ouais. Il était d'une grande profondeur, il était très enveloppant. Puis tu peux pas imaginer qu'il soit violent. Non, absolument pas. Il y a zéro violence dans sa vie. La seule violence qu'il y avait, c'est peut-être la grande folie qu'il y avait, qui donnait des grands coups de fouet à cette société des fois un peu trop conformiste. Denis, c'est l'anticonformisme. Oui. Denis, c'est vraiment la liberté. C'est un être libre. On en parlait tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux personnes que je salue, Claire et Micheline, qui me disaient ce qu'il y a à retenir de Denis, c'est vraiment cet être libre qu'il était, libre d'expression, libre de création, et ces ondes libres-là aussi qu'il a pris par CKRL et qui l'ont si bien porté, qui lui ont donné des ailes, c'est le cas de dire. La dernière aile, le CKRL, moi je propose qu'on la donne à Denis. Ça me convient. Ça me convient très, très bien. Je prends la décision par-dessus le conseil d'administration. Ils viendront le on défendre. Vote, on vote. On pourrait mettre un R, un I entre le R et le L, ça ferait CKRL. C'est bien, c'est bien. Mais Nathalie, tu as mentionné tes présences au rendez-vous doux parce que l'art de la parole, tu manies bien les mots. Oui, puis ben c'est ça. Puis j'ai eu l'occasion d'animer juste pour faire un petit souvenir, un petit clin d'œil mais aussi. Oui, ben oui. Avec Denis Barry, il y a 17 ans maintenant, une émission qui a duré 2 ans, qui était en direct du Foubar, une émission de sortie et qui s'appelait Danger Culture. C'était là, mais c'était très, je pense que c'est l'humeur communicative de Denis Barry qui emplissait le bar. Les gens faisaient la file pour rentrer. C'était un rendez-vous incontournable. Et c'est peut-être aussi, tu sais, à l'image de Denis Barry, c'est un rendez-vous incontournable pour qui le croisait. Il y avait une folie communicative et il a donné beaucoup de chance. On entendait tout à l'heure Magali qui disait, ben moi, c'est quelqu'un qui m'a reconnu un talent, c'est quelqu'un qui... Et il était comme ça, c'était un passeur aussi. Un passeur, il nous faisait connaître beaucoup de choses. Ben, je parlais tantôt des projets qu'il a fait avec des fonctionnaires, à qui il a donné la parole, à qui il a donné la scène, tu sais. Oui. Et moi, je l'avais croisé aussi dans un festival de la chanson de Tadoussac. Et il avait capoté sur Lisa Leblanc, évidemment, avant qu'elle devienne le succès qu'on lui connaît. Et je sais qu'il avait même voulu en faire jouer dans son émission, dans l'Opinion du Chef. Ça sortait vraiment du cadre. Mais il avait tellement aimé cette Lisa Leblanc qu'il voulait la partager avec son auditoire. Donc, quand on parle de passeur, c'est... voilà. Moi aussi, je voulais témoigner. Bon. T'as bien fait! Donc, parlant de témoignage, je ne sais pas si c'est le temps où on passe déjà... Oui, parce que Nathalie, t'as écrit quelque chose. Ben oui, un petit texte qui m'est venu un peu comme ça. Et c'est un texte qui est fortement, si je le dis dans le texte d'ailleurs, inspiré des mots de Fred Pellerin, que Denis considérait comme son frère spirituel, artistique. Donc, j'ai voulu... Il y a beaucoup de mélanges de références, donc écrire un court texte sous la forme d'un conte. Donc, ça commence comme ça, et vous m'excuserez si jamais il y a l'émotion qui déborde, mais j'espère que je pourrai bien rendre la chose. Il arrive que les poètes puissent dire le réel du moment, mieux que tous, car ils ne parlent pas que des événements, mais de ce que les événements font au tissu humain et au tissu de l'histoire. Jusqu'à se dire que peut-être, mon cher Denis Barry, que chacun de notre bord, peut-être que l'histoire nous a joué un tour... Peut-être qu'il n'est plus une fois. Peut-être qu'il n'est plus aucune fois, mais que tu seras toujours. Ils sont passés où les géants dont tu étais et resteras encore avec tes airs de légende. Il restera longtemps en mémoire ton temps où notre douce folie faisait des bulles en milliers d'éclats de rire et où je t'entends encore. Il restera ce temps de savoir le prendre pour que la vie puisse continuer de faire acte de magie dans ce qui nous entoure. Ce temps de toi qui compte et nous raconte ce temps dont tu étais, aux premières éloges de la lenteur, pour toute attiser d'étincelles de folie. Comme si tu avais voulu mettre le feu à tout ce superflu pour qu'il ne reste que l'essence, l'essentiel. Tu resteras, comme tu le fus, un être qui nous rassemble avec ses yeux de lueur d'éternel, avec ta magie au compteur de vie, sur les ondes longues de l'opineur dont nous entendons l'émission des fréquences de ton rire pour tout acte de présence. Mais qu'est-ce qu'un conte sinon qu'une vision différente de la réalité? Demande Fred Pellerin, dont tu admirais la plume. C'est bien là ce que tu nous as donné à voir. Tu nous as donné à voir grand dans tout ce qu'il y a de différent quand on laisse la magie entrer dans nos jours. Ceux-là même où tout nous parle, où tout nous dit quelque chose, même ceux où on en doute un peu. Je t'imagine quelque part entre le doux et le fou, la braise et le feu, mon ami. Tu as soufflé sur les tisons d'un grand vent d'amitié et tellement fort que ta rencontre nous prend maintenant par la racine du cœur. Et dans le temps comme dans le temps, on voit déjà que l'on s'aime vraiment. Astor Denis, mon grand jardinier de magie, tu peux récolter ton bonheur de chemin. Tu pourras te joindre à la traverse de Lutin de Fred Pellerin, à Saint-Élie de Castun ou ailleurs, et regarder tranquillement le temps qui passe. Tu pourras encore nous sourire avec ton sourire en coin de ciel, et tu nous auras à l'œil vif de la mémoire qui te rassemble encore. Ton terroir aujourd'hui, mon bel ami Denis Barry, c'est les galaxies. Thank you. au commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre. L'aube se lève, la rosée tombe, comme au théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde, mais y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde, on rêve comment, on rêve à quoi. L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde, la peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte, de l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère. Le geste mou, le poing qui gronde, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde, sur une terre abandonnée. Nos idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. Si on prenait nos bagages et qu'on rentrait dans nos souliers, le cœur se saurait en voyage et la raison sous les peupliers. Alors la mer ou la montagne ou peu importe l'horizon, les artisans sont mélomanes, ils chantent au parfum des moissons. Commencement du monde, dans des guenilles et des peut-être, le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière, parfois la vérité se trompe, entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde, c'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat. On est au commencement du monde. Il faut nettoyer les lilas. Fred Pellerin, merci à Nathalie Lessard d'ailleurs qui nous l'a amené en musique. Puis moi, j'aimerais ça faire un petit bout de pouce sur Fred Pellerin parce que c'est pas. Il y a un beau hasard. Denis Barry, là, dans les affaires dont je parlais, qu'il a fait à l'extérieur de CKRL, il a organisé un spectacle, entre autres, pour Centraide. Puis il cherchait quelqu'un qui pourrait soulever le public pour. Puis il avait pensé que. Il avait entendu parler d'un gars qui s'appelait Fred Pellerin, puis il est allé jusqu'à Saint-Élie-de-Caxton, il est allé rencontrer Fred Pellerin, et Fred est venu rencontrer donc le public de Centraide, qui était un paquet de monde dans la salle, et il a fait un malheur. C'était la première fois que Fred sortait de Shawinigan, de cette région-là. C'est Denis qui est allé le chercher. Donc, tu sais, ça montre comment Denis est à l'affût de tout ce qui se passe dans les régions du Québec. Puis il pourrait te parler de la Côte-Nord, puis j'ai plein d'exemples, là, mais Denis, c'était ça, Denis Barry. C'est un grand bonhomme. Quand je dis que c'est un intervenant culturel important, c'est ça, Denis Barry. Mm-hmm. Juste une petite parenthèse pour vous dire que les commentaires affluent, là, il y en a beaucoup. Le jeudi soir avec Denis, c'était comme la messe des amateurs de progressif. Il nous manque. Et les gens sont très heureux aussi d'entendre la voix. Ça, c'est grâce à Yves Dubois. Là, on entend des extraits de Denis. Alors là, les gens disent d'entendre ta voix présentement, Denis, ça me fait tellement de bien, mais combien tu vas nous manquer. Je pense que ça touche beaucoup les gens. On t'aime pour toujours. Ça vient de François Doug Lobensky, qui est un auditeur fidèle. Il y a quelqu'un qui a téléphoné, Carl Tujol, qui lui souhaite un bon voyage aussi. Un fidèle auditeur de l'émission. Enfin, il y en a comme ça. Peace and Love aussi. De Pierre Bellé qui envoie un beau logo Peace and Love. Ça représente bien Denis. Il y a des gens qui laissent des messages sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui nous parlent aussi au bout du fil. On a Michel Roy de Lévis qui est là. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur notre Denis? En fait, je n'ai pas connu personnellement Denis, mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il a bercé pendant plusieurs années, mes soirées de jeudi, parfois de façon régulière et parfois de façon ponctuelle. Et puis, ses propos, ses choix musicaux, ça me rejoignait très intimement. J'ai eu l'occasion aussi, via le web, de lui en faire part. Puis, ce que je trouve remarquable, c'est qu'à chaque fois que je lui écrivais sur le web, il me répondait. Alors, voilà. Et puis, c'est une grande perte pour la radio. Et puis, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de Denis derrière le micro. Voilà. Derrière le micro, mais dans la vie aussi, je pense qu'il y aurait moins de guerre en général. Oui, bien sûr. Monsieur Roy, merci beaucoup. Et si les gens veulent partager d'autres commentaires, des souvenirs avec Denis, cette émission-là, c'est le temps de le faire. Sinon, sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez nous appeler au 88-640-1586. Et je fais une parenthèse aussi, je le lirai pas, mais il y a un article dans Le Soleil aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas mis la main là, sur l'édition d'aujourd'hui, un bel article sur Denis, sur l'opineur du chef, là, un article d'Isabelle Houde dans Le Soleil ce matin. Ouais. C'est la voix de Denis Barry que vous entendez en ce moment. Pour les deux prochaines heures, on va faire un petit voyage dans des sentiers qu'on connaît bien, qu'on a parcouru depuis déjà une trentaine d'années là, qu'on fait ça. En tout cas, en ce qui me concerne, mais ça fait plus longtemps que ça qu'on gambade dans les sentiers. Et à chaque semaine, on retrouve, en tout cas, en ce qui me concerne, je retrouve je me plais à retrouver un caillou que j'ai laissé sur mon chemin pour me rendre où je suis en ce moment, parce que là, je suis vraiment dans un chemin de retour un petit peu, parce que je me leurre pas, je pense pas que je n'irai pas aussi loin que où je me suis rendu. Je parle de temps en ce moment. And ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. He was. On continue de prendre les appels des gens. Il y a beaucoup de gens qui appellent aussi et qui racontent. C'est Tania Bellacasse qui est au téléphone. Et vous êtes nombreux à l'appeler, à lui raconter vos liens avec Denis Barry. Il y en a qui se sentent plus courageux, qui veulent le témoigner à la radio, dont Barbara qui est avec nous. Oui, bonsoir. Allô, Barbara. Allô. Alors, toi, tu tenais à parler de Denis? Oui, en fait, j'appelle un peu naturellement comme... Oups, je vais baisser ma radio. Un peu comme quand je l'appelais de temps en temps. Voyons, ça fait drôle. De temps en temps, j'appelais Denis, hors d'onde, bien entendu, pour genre de musique, surtout. Puis, moi, j'écoutais l'émission L'Opineur depuis le début des années 90. Puis, on était devenus un peu amis, je dirais, au fil des années, à cause de Facebook notamment, parce que on jasait là-dessus. On a découvert qu'on était nés tous les deux le 21 février. Puis qu'on adorait Peter Gabriel, entre autres. Donc, ça nous liait. Puis, on se sentait un peu frère cosmique, là, qu'on s'était déjà dit en blague. Puis, moi, je l'avais connu par un de mes amis dans le temps, qui était plus vieux que moi, donc, qu'il connaissait. Donc, il m'avait amené le voir jouer au Pop St. James, je pense, à l'époque des années 90. Après ça, je l'ai vu, sa pièce sur le parvis de l'église Saint-Roch. Mm-hmm. C'était super bon, là, le truc des rois. Mm-hmm. Puis une autre fois, je suis allée voir XL13. Je connais un petit peu Régent Julien aussi. Je voudrais saluer ses amis proches et leur offrir mes sympathies sincères, là. Puis que moi, comme d'habitude, je fais à manger pendant que j'écoute l'opinion, puis là, c'est capoté un peu à ce soir, je te dirais. D'entendre le thème au début, là. Juste ça, là. Oui, ça a été un moment assez chargé d'émotions, je pense, de faire jouer ce thème-là à 8 heures. Hein? Oui, puis on se le disait que c'était un thème qui prenait 6 minutes. Et il n'y a pas une émission au monde, je pense, qui avait un thème aussi long que celui-là et qui plaçait l'esprit réel de l'émission. Le thème de Denis, c'était vraiment... Tu rentrais dans l'émission, là, c'était évident. Ah comme, oui, c'est comme vous l'avez mentionné tantôt, il était... Ça paraît qu'il se plongeait dans son... son univers là, pour avoir le ton, l'ambiance. Ça, moi, je disais d'ailleurs qu'il n'y en avait pas deux comme lui, même s'il y avait des bons remplaçants, comme un petit clin d'œil à Jean-Sébastien qui fait la, ben oui. qui choisit la belle musique à soir. Puis merci beaucoup pour tout, pour Neil Young. Non, mais merci, Denis, surtout, c'est ça, là, c'est pour ça que j'appelle. Donc, bonsoir, puis je suis un peu fébrile pas mal. Là. Mais Barbara, merci d'avoir pris le temps d'appeler. OK, ça, j'ai oublié des trucs, mais en tout cas, en gros, ça, c'était ça. Merci à vous de faire l'émission. Merci beaucoup, Barbara. Caroline, sur les réseaux sociaux aussi, les gens écoute, partagent. D'ailleurs, ben oui, puis il y a le fils de Denis, Antoine Barry, qui nous écrit, qui nous remercie pour ce bel hommage, qui remercie les gens de leur témoignage. Merci pour ce bel hommage réconfortant à mon papa. Je suis avec vous de tout cœur. Très touchant. Il y a quelqu'un qui a écrit un poème. Je vous en lis un extrait. Là, c'est sûr que je veux pas brimer la liberté artistique, mais bon. La mort, c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était un départ pour un nouveau voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie? Salut, Denis Barry. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. C'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. L'Opineur du chef est diffusé tous les jeudis soirs entre 20h et 22h sur CKRL, la radio que l'on garde ouverte. Il y en avait des radios ouvertes le jeudi soir à 20h dans les 30 dernières années. Et de ceux qui l'ont remplacé, on en a parlé tout à l'heure avec Barbara, qui a fait un clin d'œil assez remplaçant. Il y a Stéphane Villeneuve, entre autres, qui l'a fait plusieurs reprises. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous tous. Salut Stéphane. Ça va bien malgré les circonstances? Ben, je vous... Moi, je pense qu'on est heureux parce que Denis, il est libéré. Il était malade, puis je pense qu'il est très bien où est-ce qu'il est. Puis je suis certain qu'il est avec nous. Moi, je le sens. Il est partout ici ce soir. Ah, il écoute, c'est sûr. C'est certain qu'il écoute. Puis il est heureux de voir qu'on est avec lui, puis qu'il y a plein de monde avec lui, puis que son émission roule encore malgré qu'il soit pas là. Il y a encore plein de monde qui appelle ce soir. Donc, moi, je pense que c'est un beau moment pour lui ce soir. Et son esprit transcende très bien via les ondes, sérieusement. Là, lorsqu'on en écoute ce soir, c'est très émotif, on en a des frissons. Et Stéphane, toi, t'es de ceux qui l'ont remplacé quand même quelques fois? Oui, j'ai eu la chance, plus à mes débuts. Puis c'est certain que lorsque je suis arrivé à CKRL, Denis Barry était une icône. Donc, c'était un peu un modèle sur lequel on voulait tous se baser. On voulait apprendre à le connaître. Il était tellement super sur tous les points qu'on désirait s'en approcher et rester près de lui, sérieusement. Donc, Stéphane, quel souvenir, disons, radiophonique t'en gardes? Ben, une émission qu'on avait fait à l'autoroute, un spécial Pink Floyd, où il était venu raconter ses différents spectacles auxquels il avait assisté à travers le temps et l'histoire. Il y avait le spectacle à Québec en 1971 qui l'avait marqué, mais aussi des spectacles à l'Autostade à Montréal, le spectacle au Stade Olympique lors de la tournée d'Animals où Pink Floyd avait eu l'idée de The Wall. Alors, sa passion pour ce groupe-là, de la manière dont il l'avait transmis aux auditeurs et aux auditrices cette soirée-là, ça avait été vraiment un moment magique. Et Stéphane, un dernier mot avant parce que tu es au travail, là. Merci de prendre le temps d'appeler. Bien, je souhaite sérieusement qu'on trouve une façon à CKRL de continuer à poursuivre, je pense, l'esprit de Denis Barry sur les ondes. On va travailler fort là-dessus, ça c'est certain. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, ça fait plaisir. Des gens qui se sont déplacés aussi à CKRL pour nous parler de Denis, des gens qui l'ont côtoyé musicalement parlant. C'est le cas de Sylvain Godet qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, vos liens avec Denis Barry, quels sont-ils? Ben, en fait, Denis, premièrement, c'est un ami, une personne chère que j'ai pas eu le temps de voir les dernières semaines, puis je regrette. Une personne que j'aime beaucoup. C'était aussi une personne qui, au point de vue de l'imaginaire, avait un imaginaire infini, si on peut dire ça comme ça. Il n'y avait pas de frontières. Oui, mais d'un autre côté, il était très rassembleur aussi, puis il était très organisé pour passer de ses idées fulgurantes, imaginaires, à un événement concret. Puis, en mobilisant beaucoup de personnes, et puis, dans ces contextes-là, on nous a fait vivre à plusieurs musiciens... des péripéties assez, assez intéressantes. Sylvain fait justement référence au fameux spectacle que Denis organisait dans le cadre de la campagne de Centraide, des spectacles de fonction publique et tout ça. Entre autres aussi, il avait fait le spectacle Les Chroniques de la rue du Roi. Les Chroniques de la rue du Roi aussi. Ça, c'est assez jeune. Qui était amené à la fondation, la fondation de Saint-Roch, l'église Saint-Roch. Donc, dans ce sens-là, il avait créé ce projet-là avec plusieurs musiciens. Il a fait profiter de la qualité des musiciens et des artistes qui l'entouraient. Parce qu'il peut avoir des comédiens, il peut avoir des musiciens, il peut avoir des danseurs. Des couples qui sont connus, je pense justement... Entremetteurs en plus! Mais ça se faisait aussi dans un contexte où il y avait aussi Samuse aussi, qui était là, Micheline Bouzigon, dont plusieurs gens ont parlé justement de... On la salue d'ailleurs, elle est à l'écoute, oui. Les fameuses soirées au 10 mois d'août, là. Les rendez-vous doux, Micheline. Alors, dans ce sens-là, il y avait le tour, Denis, de rassembler aussi des gens de plusieurs strates sociales et de les ramener ensemble dans son rêve ultime, qu'on pourrait dire, d'aller chercher le hippie qu'il y avait vraiment dans lui. Je pense qu'une de ses idoles, c'était vraiment John Lennon. Il y avait Pink Floyd, bien entendu, dont un secret qu'il m'avait dit à un moment donné, il dit Sylvain. Il dit à chaque fois... revient la date où Pink Floyd avait joué pour la première fois au Colisée. Je vais sur le stationnement du Colisée puis je reste là pendant une demi-heure puis j'écoute une tune de Pink Floyd. Ça te paraît fou, hein? J'ai dit non. Pas pour Denis. C'est un rituel, ça. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est ça, il rassemblait les gens pendant... Il y avait le tour de garder pendant un mois, deux mois, trois mois pour amener à terme un spectacle qu'il pouvait représenter plusieurs fois par la suite. Donc, dans ce sens-là, il s'était présenté au studio que j'avais à l'époque, chez moi. Maintenant, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient présentés. Donc, il y a des musiciens de base. C'est un enregistrement qui s'appelait Rame sous le pont d'Angrignon, qu'on va pouvoir écouter tout à l'heure, une petite partie. Et il y avait des musiciens de base, là, qui est donc un clavieriste, qui était... Daniel Bernacci à la batterie, Régent Caro, donc Sylvain Trottier à la guitare, Jacinthe Morin à l'accordéon, etc. Des habitués de Denis, là. Oui, donc j'ai dit « Parfait, Denis, viens enregistrer, c'est beau. » Donc, on enregistre à la maison, puis là, ça sonne. Il dit « Ah oui, j'avais aussi une personne qui venait pour juste faire une petite ligne une petite citation dans la pièce. » J'ai dit « Parfait. » Oh, il y avait aussi un autre musicien. Il y avait aussi... Voilà. Fait qu'on s'était ramassé, je pense, tout près d'une trentaine dans la maison, finalement. Puis, j'ai dit, ça fait du monde à gérer, là, Denis, dans ce sens-là. Puis, pendant que on enregistrait un musicien, puis l'autre, ça faisait la file, puis les autres étaient en train de... C'était à l'automne, je me rappelle, il y en avait quatre qui raclaient les feuilles dehors, les autres faisaient de la bouffe en haut, il y en a d'autres qui faisaient la vaisselle, c'était merveilleux. Continuons comme ça. Donc, dans ce sens-là, c'était vraiment une expérience où Denis ramenait les gens, puis pour rappeler aussi les mots de Jean Provencher, qui avait mis il y a quelques heures sur son site... C'était vraiment un être d'amour et de bonté, dans ce sens-là. Puis, un être de lumière. D'ailleurs, sur le pont d'Angrignon, par rapport à cette pièce-là, il cite « Un jour, je te sortirai de l'ombre et je t'amènerai vers la lumière. » Je pense que Denis est rendu dans la lumière. Dans ce sens-là, il y avait plusieurs gens de plusieurs nationalités qui disaient cette phrase-là pour que le message se rende. Donc, je trouvais vraiment que c'était quelque chose de particulier de la part de Denis. Je fais une salutation aussi à sa fille Geneviève, Antoine, son fils, qui a fait justement un enregistrement dernièrement de bonne meilleure qualité qu'on avait à l'époque, sans doute. Là. Mais on va pouvoir écouter un petit bout qui avait été fait justement au Capitole, je crois bien, dans le cadre d'un spectacle pour Centraide. Oui. On va donc entendre cette pièce, Sylvain Godet. Merci beaucoup d'être passé. Sans 200 000 bouches, 200 000 pieds dans la bouche, 200 000 pieds dans la bouche du métro à Montréal, bouche en grignant. Il y avait 200 000 pieds dans la bouche du métro, c'était noir. Ça se passait là-bas. Il y avait 100 000 personnes dans la bouche de 100 000 pieds. Moi, toi, eux. Il y avait dans le noir de la bouche, quelqu'un criait. Dans le noir du désespoir, quelque chose de louche dans la bouche. Quelqu'un criait, criait. Mais je ne peux pas savoir, c'est trop noir, mais où est donc la lumière sous la terre? Au bout du tunnel artificiel, dans la station en criant à Montréal, on attendait, moi, toi, eux, on attendait que ça se passe, que ça se tasse. Mais cependant, où est donc Carnior? Beaucoup de gens qui veulent parler pour ce dernier hommage à Denis Barry. Il y a Pierre Bernier, qu'on connaît aussi sous le nom de Pierre au vélo, qui est ami, qui est au bout du fil. Bonjour, Pierre. Salut. Hey, salut, Pierrot. Salut Jean-Pierre. Ça va? Ah ben, on suit la vague de la réaction de la disparition là. Écoutez, ça fait peut-être la 89e,1 fois que j'appelle au studio. Je l'ai fait pendant au-delà de 40 ans avec mon ami Denis. Et à l'époque, il n'y avait pas d'afficheur. Puis quand le téléphone sonnait pendant une toune de Gentle Giant, il répondait « Salut Pierre! » Il n'y a toujours pas d'afficheur en passant en studio. Il n'y avait pas d'afficheur dans ce temps-là. Il savait quand puis il m'en a offert plusieurs tounes en mon nom personnel de Gentle parce qu'il savait que c'était mon groupe favori. C'est mon premier clin d'œil. Deuxième clin d'œil à Denis. C'est un clin d'œil que lui-même a fait à un autre Denis. Il y avait deux jours chez Denis Barry. Il y avait le jeudi, puis il y avait le mardi. Les mardis soirs, les gens qui l'ont connu personnellement savaient qu'il recevait chez lui, un peu comme les mardis à Denis de Denis Morisset. Et c'est lui qui avait perpétué la tradition que les mardis soirs, on a rendez-vous avec une bouteille de vin, des amis, des instruments de musique, des pensées, un paquet de trucs comme ça, puis qu'on échange. Alors, Denis Barry avait perpétué chez lui ses rendez-vous des mardis soirs. Alors, salut Denis. Je suis bien heureux de savoir que je l'ai déjà donné une accolade. Donnons-nous des accolades. Ouais. Salut. Ben, salut Pierre, merci beaucoup d'avoir... d'être venu chez nous. Searching in the les gens continuent d'appeler pour partager des souvenirs à propos de Denis Barry. Et on a José Letourneau qui est avec nous, qui faisait l'émission Les Anges Vagabonds. Et ça, c'est avant le Pineur du Chef. Est-ce que c'est bien ça, José? Oui, c'était bien ça. Ça a été pendant quelques années, oui. Et puis, j'ai eu aussi la chance de remplacer Denis à quelques reprises. C'était au début assez intimidant, surtout étant une voix féminine. Mais son public a été très indulgent avec moi. Alors, je garde un très précieux souvenir de cette période-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont remplacé l'opineur du chef. Une opineuse du chef? Oui, peut-être. Et... mais j'ai un souvenir de Denis, d'un gars qui était très, très modeste et très passionné aussi. Je regarde vraiment un très précieux souvenir de lui. Je tiens à sincèrement offrir mes sympathies à ses proches. Et petite anecdote, parce que je sais très bien comment il était touché, qu'on pense à lui. Et étant donné qu'on pense à lui ce soir, tous ensemble, je me souviens qu'à l'époque, j'étais allée faire un voyage en Italie. Et ben comme je vous dis, les passionnés sont des gens passionnants. Alors, même à Pompéi, j'avais eu une pensée pour Denis, parce que les fans de Pink Floyd se souviennent bien de Pink Floyd à Pompéi. Pompéi. Et j'avais acheté une carte postale à Denis à ce moment-là du célèbre amphithéâtre, et il avait été très, très touché de ce petit geste-là. Moi, ça se voulait simplement un clin d'œil, mais je me souviens dans son regard là comment il avait été ému du fait qu'à Pompéi, j'avais pensé à lui. Alors, je crois que ce soir, il sera très touché qu'on pense à lui. C'est certain. Et je pense qu'il nous écoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là. Il est branché sur le 89.1. Je ne sais pas où. C'est sûr, oui. Il a trouvé un radio. José Letourneau, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à vous. Bonne soirée. Plusieurs remplaçants qui passent des coups de fil. Il y en a qui se sont déplacés aussi. Gabriel Rochette qui est avec nous. Bonjour. Ça fait plaisir. Gabriel, ça fait combien de temps qu'on t'a pas entendu sur les ondes de CKRL? Je sais pas du tout. Il y a Caroline Stephenson ici à côté de moi qui pourrait sans doute m'aider. J'ai aucune mémoire de ça. 98. Au moment où tu participais à mon émission Radio Expresso. Ah, c'est ça. C'est pour ben des chroniques cinéma à ce moment-là. Ben oui, ben oui. Mais sinon, remplaçant de l'opinaire du chef dans les premières années. Oui, ben en fait, moi, j'ai été son principal remplaçant pendant 2 ou 3 ans. Et c'est vraiment Denis qui m'a fait découvrir la radio aussi à CKRL, parce qu'on écoutait tous CKRL à un moment donné, parce que c'était l'alternative. C'est même pas une alternative, c'était la seule voie pour entendre de la musique. Et puis bon, comme je commençais à CKRL comme chroniqueur cinéma, par la suite, j'ai eu une émission de cinéma beaucoup plus substantielle. Et évidemment, je rencontrais Denis Barry qui me dit « Ah, t'aimes ça le prog, toi? Puis t'es un maniaque de Genesis, toi? » Puis évidemment, ma réputation était que j'étais l'homme de Genesis Yes, comme on m'appelait. J'écoutais du Genesis ou du Yes, simplement. Alors, et ça faisait un peu un contre-coup. Parce que lorsque je m'installais en ondes, ben, j'ouvrais immédiatement avec une pièce de Genesis, alors que Denis ouvrait toujours avec Pink Floyd. Avec une pièce de Pink Floyd. C'était pas une hérésie, mais c'était pas loin. Ouais. Et c'était très agréable parce que c'était quelque chose de très formateur, parce que Denis était très confiant. Il nous cédait sa place avec grand plaisir et avec grande confiance. Et ça, c'était très intimidant. Et j'écoutais José Letourneau tout à l'heure qui parlait. Puis pendant un bout de temps, il y a eu comme une espèce de triumvirat qui remplaçait Denis. Il y avait José Letourneau, il y avait moi, il y avait Louis Duval aussi qu'il remplaçait. Et c'était quelque chose qui était absolument fascinant de s'asseoir en onde et simplement de voir le téléphone sonner à répétition. Et ça, mon Dieu, c'était, on sentait qu'on était conquis. Et on était extrêmement à l'aise parce qu'on n'avait pas à aller chercher le public qui était déjà. Mais la marche était haute, cependant. La marche était très, très haute. Il fallait apprendre à spinner les vinyles aussi, parce que moi, comme lui, j'arrivais avec mes sacs de vinyles. Et puis c'était ça. Mais c'était ça, Denis Barry. Et il était tellement content qu'on le remplace et de nous céder sa place, là. Il nous remerciait la semaine d'après. C'était valorisant pour nous. Et c'était tout ça, Denis Barry. Hein. C'était et il y avait, j'en parlais avec des anciens collègues de CKRL ici à l'entrée, là, qui se sont réunis ce soir, Jean-Philippe Boisbriand. Et on disait, oui, il y a de la nostalgie dans ça, mais pas que de la nostalgie. Parce qu'il parvenait à nous faire redécouvrir des pièces qu'on écoutait lors de notre adolescence. Mais pas avec de la nostalgie. avec un plaisir pur de l'instant. Et je pense que c'est quelque chose qui va manquer à CKRL parce que là, c'est irremplaçable. C'était quelqu'un aussi qui aimait beaucoup partager. C'était quelqu'un qui était chaleureux puis que tu sentais jamais qu'il faisait quelque chose comme gratuitement, juste pour faire... Non, il avait le plaisir de te faire entendre quelque chose, même si ça pouvait dater. Tu sentais que Denis était content de te faire jouer ça. Même quand tu étais auditeur, tu avais l'impression qu'il le faisait pour toi qui étais l'auditeur, alors qu'il le faisait pour tout le monde. Mais Denis avait cette grande générosité puis cette grande chaleur qui probablement lui venait par sa voix. Mm-hmm. Il avait une voix tellement unique, tellement, tellement proche de nous. Tu sais, elle était proche de nous. Et à ce propos-là, Jean-Pierre, si tu me permets, il y a un auditeur qui a écrit... Mario Ferland, qui fait un beau témoignage, qui parle de la musique et du legs de Denis. Il dit « Denis nous a légué une autre leçon de vie importante et il a prêché par l'exemple. Il nous a appris que malgré toutes nos dissidences, la musique était un lien qui nous rapprochait tous et toutes. Il avait compris que la solution de nos problèmes résidait dans l'horizontalité plutôt que dans la verticalité et la hiérarchisation. Il a fait passer le message durant toutes ces années. Merci à toi, Denis. Je serai éternellement reconnaissant d'avoir véhiculé cette pensée forte. » Ça revient un peu à ce que vous dites, les gars. Mm. Mais il y a le point, Gabriel, plusieurs qualités qui reviennent, mais de vivre le moment présent. Mm-hmm. C'est la première fois qu'on le souligne et je pense que ça décrivait tellement bien Denis. Mm-hmm. Puis moi, juste pour faire du pouce sur le moment présent, il était tellement présent que... l'émission de Denis, c'était comme une émission de télévision. Les gens s'arrêtaient, s'assoyaient dans leur salon où s'allumait un petit pétard. Puis là, ils écoutaient la radio. Mm-hmm. Tu sais, on dit souvent la radio, ça fait partie des ondes de la maison puis qu'on n'écoute pas. Mais là, Denis Barry, là, les gens s'arrêtaient. Prenait le moment, les deux heures, il les savourait pendant deux heures. Et il sera parvenu à faire quelque chose qui, à mon avis, est assez unique dans l'histoire de la radio, en tout cas, c'est que la fameuse longue pièce musicale d'ouverture que j'ai, moi, chez moi encore, parce que je le remplaçais, donc je l'ai. Mais cette ouverture-là était devenue une pièce musicale à ne pas rater, semaine après semaine. Mm-hmm. Quand on ratait l'ouverture de l'opineur du chef, ah, là, merde! Donc, on a raté ça. C'est comme le sas, c'est ce que je comprends. C'est comme le sas qui nous fait entrer dans l'émission. Exactement. Le sas de décompression. Oui. Gabriel. Et puis moi, ben, écoutez, ça me fait plaisir, puis je trouve que ce soir, c'est pas triste du tout d'être ici, au contraire. Parce qu'il serait pas, lui, il n'est pas triste du tout. Il ne serait pas triste de nous entendre. Non. Il aurait le sourire avec toute son humilité. Et puis moi, ben, en terminant, ben, je veux le remercier. Et puis vous remercier à vous de m'avoir invité ici. C'est un grand plaisir. Merci Gabriel Rochette, merci à toi. Parce que je suis le roi incontestable et incontesté de la gaffe radiophonique. C'est probablement ça qui fait en sorte que je refais toujours mes classes. C'est ça, c'est KRL. Et je les remercie encore de me tolérer en onde. Alors Marc, il est attentif, il les entend toutes ces petites affaires-là. Et puis, ben, ça me fait plaisir de savoir que mais c'est pas malin, c'est pas malicieux du tout, c'est juste comme un grand sourire au-dessus de la station qui me fait au-dessus des ondes et au-dessus de l'auditoire. Alors, mon Dieu Seigneur, je sais pas ce qui se passe ce soir. Oui, très, très présent en ce moment, surtout dans les grands feedbacks de même. Alors, voilà, c'est ça. C'est l'opinion du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui vous parle, puis qui va arrêter juste là de vous parler. Well, I think it's fine building jumbo planes. Taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Mm-hmm. on roads over fresh green grass. For your lorry loads, pumping petrol gas. And you make them long, and you make them tough, but they just go on and on. And it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? On entendait tout à l'heure Denis Barry qui parlait de ses, qui disait qu'il était le roi de la gaffe radiophonique. Et là, c'est à mon tour de raconter une anecdote. Parce que pour entrer dans la technique un peu de la radio, à quelques moments, il y a des sondages SOCAN. Donc, c'est pour remettre les droits d'auteur. Ce qui fait que chaque animateur se doit de remplir un formulaire un peu plus complexe avec la diffusion des pièces, qu'est-ce qu'il a joué. Et Denis détestait et avait de la misère. Et c'était long. Et moi, en tant que directrice de la programmation, je devais vraiment toujours courir après. Denis, j'ai besoin de ta SOCAN, il faut que je l'envoie à la SOCAN. Et il y a la dernière SOCAN qu'il a eu à remplir, il est arrivé avec 15 $ dans les mains et il a dit, trouve-moi quelqu'un, je vais le payer pour qu'il fasse la SOCAN, mais je le fais pas. Il avait écrit sur une feuille les titres des chansons, les durées. Puis j'ai dit, ben donne-moi ton 15$, Denis, je vais te faire ta SOCAN. Alors il m'a payé pour faire son sondage SOCAN. Mais tu sais, quand plusieurs ont dit ce soir que Denis, c'était un électron libre, c'était une pensée hors du commun. Puis moi, pour l'avoir côtoyé dans l'appareil public des fonctionnaires, Denis avait beaucoup de difficultés d'être dans ce cadre-là. Moi, il se servait de moi pour faire les formulaires parce que vraiment, Denis, c'était vraiment pas son domaine. Puis... D'ailleurs, tout ce qu'il a réussi à le sauver dans la fonction publique, c'est justement le fait qu'il organisait des shows à chaque année de fonctionnaires, parce que sinon, le cadre de la fonction publique, c'était vraiment pas son domaine. Il y a toujours des gens qui appellent. On va avoir encore le temps de prendre quelques appels si vous voulez témoigner. 418-640-1586. Et pour l'instant, il y a Brigitte Duchesneau qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour tout le monde, en fait, tous ceux qui sont là puis qui écoutent puis qui sont comme moi ce soir avec le cœur gros. Je suis trop sensible, mais je vous écoute depuis le début de la soirée. Je vous remercie infiniment, CKRL, d'avoir fait cette émission spéciale-là. Ah ben c'était obligatoire. Toi, tu l'as connu sur Saint-Ursule, Brigitte, hein? Alors, moi, j'ai connu Denis sur Saint-Ursule. J'ai des souvenirs, là, de le voir passer tous les jeudis soirs devant la porte de bureau. Comme je voyais tous les producteurs passer devant la porte de bureau pour s'en aller en onde. J'entendais Gabrielle Rochette tantôt, puis j'étais au poste dans le bureau. Moi, j'avais pas le plaisir, parce que j'aurais aimé avoir ce plaisir-là aussi, mais j'avais le plaisir d'écouter les gens faire de la radio. Et puis, Denis, c'en est un, ça, que moi, j'ai appelé, là, dans mon auto, je l'écoute. Puis je prenais quelques secondes, puis c'est comme... non, c'est remémorer des souvenirs comme ça, c'est toujours c'est un moment très émotif. Mais j'ai appris la nouvelle récemment, puis ça m'a frappé. Ouais. Parce qu'il faut dire que Denis a pas voulu annoncer la nouvelle non plus de sa maladie. Donc, il y a certaines personnes peut-être qui s'y attendaient, mais il y en a d'autres pour qui c'était un choc. Donc, Brigitte, je comprends que ça a été un choc pour toi de l'apprendre. Ouais. Et puis, écoutez, tantôt on l'entendait là, dire, j'arrête de parler, je vais laisser la musique, mais on va tous avoir envie encore de l'entendre parler. Fait que c'est bien... Ben, Brigitte... C'est bien que ce soir, on ait pu avoir encore un échantillon de tout ça. Puis moi, je vais garder des beaux souvenirs aussi des radiotons avec Denis, là, parce que j'ai fait de la sollicitation avec lui à quelques reprises. Puis il était toujours participant, c'est un bénévole, au-delà de la radio qu'il faisait. Il faut savoir comment il était actif aussi au sein de la station, puis qu'il a donné des coups de main pour ces activités-là de radiothon. Il aimait bien ça, puis faire de la sollicitation et tout ça, il était excellent. Puis je pense que les gens l'aimaient tellement que c'était facile aussi d'adhérer à ses propos. Alors, Denis, c'est un gros, gros merci que moi aussi, je veux lui faire. Ben, tu parles du radiothon, là, Denis, là, quand il... il y a plein de gens, moi, pour avoir été souvent ici au Radioton, qui venaient porter des dons, puis moi, j'aime beaucoup leur demander « Qu'est-ce que vous écoutez à CKRL? » L'opineur du chef. Alors, les gens qui écoutaient l'opineur du chef, c'était des gens qui donnaient beaucoup à CKRL parce qu'ils savaient que cette émission-là était rare, exclusive et qu'elle avait une touche que nulle part ailleurs on pouvait retrouver. Fait que, exact. Hein, tu l'as connu, Brigitte. Tu sais, moi, tu moi, sais comme ça. Moi. Je l'ai vu aussi, puis c'est sûr qu'en onde, on l'entend. Moi, je l'ai vu, puis je vais me souvenir de lui comme quelqu'un de tellement... S'il y avait une définition à donner au mot « cool », pour moi, « cool » égale Denis. Denis, je ne l'ai jamais vu s'emporter. Je l'ai toujours vu sourire. Il avait toujours la bonne parole. Il était toujours... Je le respectais énormément dans ce qu'il faisait, puis je sentais qu'il me respectait aussi. On avait une belle relation. J'avais pas cette relation intime que d'autres personnes ont témoigné ce soir parce qu'ils l'ont connu encore plus près. Mais la relation que j'avais avec était une relation vraiment très cool et respectueuse. Puis ça, je vais en garder des souvenirs vraiment... Voilà, ça va rester. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup là, d'avoir fait ça ce soir. Je l'espérais. Puis là, je dois vous dire en plus que je suis à une activité dans le moment du côté de Lévis, dans une salle, puis j'ai un oreiller, pour j'ai un écouteur pour écouter l'émission en même temps que j'écoute un lancement de programmation. Alors, je fais deux choses à la fois, comme je l'ai souvent fait, puis je voulais être avec vous autres, puis je voulais être avec Denis surtout, parce que c'était ma façon à moi d'être là. Ça va te changer du conseil municipal? Oui, c'est ça, c'est pas un conseil. Et je suis entourée de dans une belle salle et puis il y a de la musique, alors c'est l'environnement de Denis aussi, alors je suis contente de faire ça. Puis bon, tout le monde va me pardonner d'avoir cette double tâche ce soir et de ne pas avoir été attentive autant. Brigitte Duchesneau, ancienne directrice générale de CKRL, merci beaucoup d'avoir appelé. Ben merci beaucoup, là. Au revoir. I read the news today, oh boy, about a lucky man. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. I Les témoignages continuent de fuser de toutes parts au téléphone. Jean-Pierre, toi, t'as pris un appel? Ouais, ben justement, un des bonhommes de Centraide, secteur public, parapublic, Gaétan Rosa, qui était le patron, un homme d'un grand cœur, puis que Denis aimait beaucoup. Et il aurait bien aimé, au nom de sa fille, à lui, Gaétan, pour au nom de la fille de Denis, là, qui s'appelait toutes les deux Geneviève, venir nous siffler ce soir l'air de Donner Donner, qui était l'air que Denis avait ressorti de Centraide. Mais de Gaétan, il est très content de savoir qu'on rend hommage à Denis ce soir. Bien, ça allait de soi. Il y a des gens qui sont venus d'eux-mêmes aussi, qu'on n'a peut-être pas osé inviter parce qu'ils sont très près de Denis. Antoine, son fils, t'as senti l'appel en écoutant l'émission. T'avais envie de venir communier avec nous. Oui, j'ai commencé l'émission de chez moi et une certaine forme de magnétisme m'a amené ici. Et j'y suis. J'avais besoin de communier avec vous autres. Mais Antoine, je regarde ton âge à peu près. Toi, le jeudi soir, Denis n'était jamais à la maison. Toute ma vie, j'ai pas eu de père là. Le jeudi. Donc, oui, Denis a commencé en 77, je pense. Puis je suis né en 81. Donc, j'ai vu toutes les CKRL passer. Je vous entendais parler tantôt sur Sainte-Ursule. Mm-hmm. J'étais à un âge que je savais même pas c'était quoi des rues différentes. Mais je me rappelle, c'était vert et blanc. Puis ça s'appelait Sous mon parasol à l'époque. C'était pas l'opinion du chef parce qu'il y a eu quelques... C'est oui. Ça, il y avait un autre nom. C'est ça que je recherchais tantôt le titre de l'émission au début. Puis vois-tu, donc si vous avez besoin d'archives, je suis là, j'ai toutes les... Mais non, c'est ça. Fait que j'ai vu... les titres ont changé, mais le concept de l'émission et le Denis Barry a toujours été le Denis Barry. Mais Antoine, toi, t'étais un musicien, puis Denis, c'est un musicien, puis Geneviève. Il y avait une culture de musique à la maison chez vous, là. Oui, hein? Quand même. Je veux dire, c'était normal de faire de la musique à tous les jours. On soupait, puis après souper, on allait l'autre bord dans la salle de musique, puis on jouait des chansons. Puis c'était un rituel familial quotidien chez nous, là. Ce que je continue aujourd'hui. Mais justement, les derniers instants de Denis, vous les avez passés ensemble dans ton studio. Oui, j'ai eu un privilège inimaginable et indescriptible d'avoir les derniers moments de joie, de forme de Denis avec moi dans mon studio, dans le temps des fêtes, pour faire son album. On avait déjà une banque de chansons produites dans les dernières années. Et il y en avait une flambe en œuvre qui est la chanson que vous avez ouvert l'émission avec, qui est « Il y a des jours ». Donc, on a été deux semaines intenses à faire cet album-là avec un degré d'intensité fusionnelle que j'ai eu avec mon père, sachant... Ben oui. On savait qu'on faisait ça dans le but de laisser un héritage à tout le monde, à tous ses amis, à tous ses auditeurs, à toute la communauté que Denis pouvait rassembler. Donc oui, puis Denis a eu la chance de le voir... Avant de partir, je suis arrivé avec les duplications, le gars de contact visuel, excusez-moi pour le placement de produit, mais il m'a ouvert la shop un dimanche matin à 9h30 pour que j'aille aux soins palliatifs avec les caisses de CD avec l'exacto dans le char. Puis Denis l'a eu dans les mains, puis il a pu en jouir du produit fini. Mais je disais tout à l'heure, à l'automne, il parlait de l'album, il avait tellement hâte de venir nous le présenter à CKRL. Mais finalement, t'es arrivé avec tout ça. Et l'album, les gens vont pouvoir se le procurer. Là, il est là pour ça, pour qu'on on continue à l'écouter, Denis. Oui, ben ça fait partie de la continuité du non-conformisme de mon père que j'admire et que je souhaite continuer. Lui, c'est ce qu'il a voulu laisser en héritage. C'est un album, c'est pas un signet, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est un CD, un album... Puis oui, on va pouvoir se le procurer dans une célébration qu'on va faire en son honneur, que je vais parler dans quelques instants. Mais sinon, il va y avoir des copies disponibles chez Sion le disquaire sur la rue Saint-Jean. Quartier. Quartier, c'est tout pareil, ça. C'est en Haute-Ville. C'est des vieux amis. Mais Sion, c'est des vieux amis de Denis. Ben, c'est ça. Ouais, moi, Denis Jaudoin de Sion, je l'ai connu tout jeune. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, le CD va être disponible là-bas. Sinon, on va faire une espèce de lancement qui va être en même temps la célébration du départ de Denis, appelons ça comme ça. Ça va se passer ce dimanche au vieux bureau de poste à Lévis, désormais, mais Saint-Romuald à l'époque. C'est toutes les coordonnées de l'adresse sont sur la page Facebook de Denis. Je vais m'organiser pour que ça se fasse suivre sur l'opinion du chef, la page. On va le partager aussi sur la page de CKRL. Les albums seront distribués là-bas comme coup d'envoi. Puis par la suite, ça sera disponible chez Sion. Puis pour les détails... C'est à quelle heure? Là? C'est à quelle heure, c'est ça. C'est à midi. À midi à 16h. OK. Donc, un bel après-midi à passer. Un bel après-midi à passer. Venez vous rassembler comme Denis nous a rassemblés. Mmh. C'est beau, hein? Oui, exactement. C'est ça qu'il faisait. Antoine Barry, merci beaucoup d'être passé. Hey, merci. Merci à vous de faire ça pour mon papa, vraiment. J'avais besoin d'être avec vous autres à la station ce soir parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'est lui qui me parlait de l'autre bord de la ville. Donc, merci, sincèrement. Merci ça à toi. Ça nous fait vraiment plaisir aussi. Alors, sans plus tarder, on va débuter ce petit voyage musical qu'est cette émission. L'éditorial, c'est pas vraiment compliqué. Hein. L'éditorial, on le porte à l'intérieur de nous, chacun de nous. Et moi, je souhaite de tout mon cœur que cette musique rejoigne les plus grands courants de belles pensées qui peuvent vous habiter. Alors là-dessus, je vous souhaite bien belle soirée. À l'antenne de CKRL, la radio libre à Québec. Merci d'être là. On a encore des gens qui sont au téléphone pour nous parler. On a une amie d'enfance, cette fois-ci, de Denis Barry, Carole, qui est au bout du fil. Bonjour, Carole. Bonjour. Moi, j'écoutais pas forcément l'opinion du chef parce que je travaillais, etc. Mais j'ai connu Denis à 14 ans. J'ai connu Pink Floyd à 14 ans dans son sous-sol de la maison familiale. On était un groupe d'amis. On a connu Pink Floyd, on a connu Genesis, Yes. Ce soir, j'ai écouté parce que j'ai parlé à Denis dernièrement. Puis là, c'était important que j'écoute. J'ai tout laissé tomber pour écouter. Puis je me suis ramassée dans son sous-sol avec tous nos amis d'enfance, d'adolescence plutôt, et puis la belle voix de Denis, la générosité de Denis, la poésie de Denis, Denis l'artiste, Denis le pacifique, Denis, c'est sensationnel ce que vous avez fait ce soir pour moi, puis peut-être pour plusieurs autres de ses amis d'enfance que de rewinder jusqu'à nos 14-15 ans, puis j'ai vu Denis quand même dernièrement, mais j'ai quand même vu à l'âge adulte, mais c'est quand même fantastique, ça m'a... Merci Denis d'avoir... je vais enregistrer les émissions qu'il a enregistrées parce que je me rends compte que j'ai manqué une grosse affaire. Puis je l'aime beaucoup, puis je sais que sa passion doit le suivre tout là-haut, et puis je lui souhaite le meilleur. Et mes sympathies à tous ses proches aussi. Vous savez, Carole, on a fait cette émission-là pour nous aussi. Hein? On s'est fait beaucoup plaisir, Tania, de ramener celui qui probablement est l'animateur le plus mythique de CKRL. On ne pouvait pas laisser passer ça sans faire quelque chose de... En tout cas, au moins qu'il va être à son image. On ne peut pas dire qu'on va être à la hauteur, mais qu'on a été à son image. Oui, vous avez été à la hauteur. Vous nous avez... en tout cas, moi, j'ai, comme je vous dis, j'ai pas toujours écouté, mais Je savais que Denis avait une émission et tout, mais tu sais, la vie passe, puis on se dit toujours j'aurai le temps, puis fatidiquement, on n'a plus le temps. Mais ça m'a sérieusement, je pense qu'il y a beaucoup d'amis de grand-mère qui se sont retrouvés dans son sous-sol ce soir. Je suis certaine. Puis c'est vraiment quelqu'un que je continue d'aimer, mais qui va me manquer parce que c'est un esprit, comme vous dites, un esprit libre, puis unique en son genre, quoi. Carole, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. Ça va. On a beaucoup de plaisir. Hein? Oui. Mais écoute, ça va tellement vite. On voulait le garder pour la conclusion, mais on va le dire. On est très nombreux à travailler sur l'émission et on se disait, ça nous prend bien, Yang, Denis, Barry. Même notre émission du matin, on a une Jean-Sébastien Grondin qui est là avec nous en studio, qui est au choix musical. Yves, qui est à la réalisation, la mise en onde. Tania Bellacasse, qui est au téléphone, qui est débordée. Caroline Stephenson, qui est aux réseaux sociaux. Il y a Jean-Philippe Boisbriand, qui a fait du montage aussi. Yves en a fait en amont également. Jean-Pierre Gay à la cour, animation. Denis, on est comme. Denis, c'est un rassembleur. Même ben, il dans la mort, Caroline. Il a réussi à nous rassembler jusqu'à la toute fin. Et voilà. C'est très beau. Et évidemment, les gens qui se déplacent, qui viennent, qui écrivent. Oui, ben là, écoutez, j'en passe beaucoup parce que évidemment les témoignages affluent. J'en ai choisi un peut-être de quelqu'un qui est près de CKRL, Daniel Le Saunier, qui a été à Télé-Québec longtemps. Denis a incarné le côté lumineux de la radio à Québec, généreuse, ouverte, intelligente et désintéressée. Un côté de la radio locale dont on parle rarement. Bon, et là, je fais une parenthèse parce qu'il continue à dire que CKRL véhicule jour après jour depuis des lunes. Je voulais pas qu'on se lance des fleurs, mais c'est ce qu'il a écrit. Mais c'est en parlant de Denis, évidemment, qui a incarné ce côté lumineux-là. Ah, puis ben, peut-être un dernier, tu sais, je termine avec ça. J'ai l'impression que Denis réinventait la musique de son émission. Je sens d'ailleurs son aura encore. C'était Denise Suzescu. Oui, voilà. Une grande fan de l'opinion du chef. Ah, oh, il y avait beaucoup je ne vous décrirai pas, mais là, les gens, il y a beaucoup de photos sur Internet, des caricatures, les gens qui partagent leurs photos, des images. Alors, vous irez faire un tour soit sur le site de Denis ou sur l'opinion du chef ou encore sur la page Facebook des Matins éphémères. Là, on va s'arrêter là en ce qui me concerne, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'est très émouvant. Donc, sur les pages Facebook Connex, évidemment. Guylaine Saint-Pierre, qui est au bout du fil, dernière personne qu'on a le temps de prendre au téléphone. Bonjour Guylaine. Bonsoir Tania, Jean-Pierre et tous les Salut. Autres. Et merci de nous aider à passer à travers le deuil devant ce départ précipité que j'ai appris sur la page Facebook de Michel Drolet. Je ne sais pas si Michel est toujours avec vous. Non, il a dû quitter. Alors, j'étais comme beaucoup de ses auditeurs, probablement ignorante de son état, de sa maladie. Ça a été donc un très grand choc d'apprendre le départ de ce cher Denis, qui a été pour moi une inspiration quand j'ai commencé à faire de la radio à CKRL. Denis m'a toujours soutenue d'une façon, ceux qui le connaissent là comprendront, d'une façon subtile et élégante, comme un véritable gentleman qu'il était. À chaque fois que je l'ai vu, je l'ai croisé, il m'a toujours dit quelque chose de gentil, une bonne parole. Puis venant de Denis Barry, ben ça faisait plaisir parce que c'était un monument, comme vous l'avez souligné à maintes reprises. Alors voilà, au fil des années, je l'ai côtoyé plusieurs fois dans les lancements de programmation. Par exemple, on rigolait beaucoup. C'était un homme qui avait un sens de l'humour qu'on disait parfois entre nous un peu britannique, toujours dans la finesse. Et je me rappelle bien de la première fois que j'ai vu Denis Barry. C'était à CKRL, on faisait des appels téléphoniques pour le renouvellement des cartes de membres. Et dans ma liste de membres à rappeler, j'avais Denis Barry, que je ne connaissais pas, parce que moi, je n'écoutais pas l'opinion du chef à l'époque où j'ai commencé à CKRL. Alors, je l'appelle, puis comme une débutante complètement ignorante, « Bonsoir, Monsieur Barry, votre carte de membre doit être renouvelée, est-ce que ça vous intéresse ?» Alors, il me dit, il avait un sourire dans la voix, il me dit, « Je vais passer vous voir. » Alors, moi, je continue à faire mes appels, puis, je sais pas, une demi-heure plus tard, il y a un grand gaillard qui est planté debout devant moi avec un sourire, puis qui me dit, « C'est moi, Denis Barry. » Et voilà, ça a été le début d'une camaraderie, je dirais, d'une collaboration, parce que on parlait beaucoup de radio, de notre façon de voir ça, de notre relation avec les auditeurs. Donc, puis on s'est croisé aussi à quelques reprises, notamment chez lui, à ses rendez-vous du mardi soir dont quelqu'un d'autre parlait tout à l'heure, les rendez-vous du roi. Oui. Que je ratais presque toujours parce que Jazzville, c'était le mardi soir. Ben oui. Alors, il m'est arrivé d'arriver chez Denis. Tout le monde était parti. Il restait des fonds de bouteilles de vin. Alors, bien entendu, un verre de vin, on s'installe, puis la sitar, puis me mettant un instrument entre les mains. Vas-y, fais ce que tu veux. Puis il était cool, comme plusieurs l'ont mentionné. C'est un mot qu'il résume parfaitement. Et puis, je dirais aussi le rire, parce que moi, j'aimerais vivre ce deuil-là dans le rire. Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Oui. Mais c'est ce qu'on on fait quand même bien ce soir, vous je crois bien. Très bien. Merci beaucoup encore. Guylaine Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Jean-Sébastien Grondin, c'est toi qui as fait le choix musical ce soir. Tu as remplacé souvent Denis et tu le côtoyais aussi pour, avec ton oreille à soif, avec l'émission qui le suivait. Écoutez, c'était des espadrilles très grandes à chausser parce que je vous dirais, pour moi, préparer une émission de radio, ça me prend à peu près 15-20 minutes. Faire un 2 heures d'émission, je suis capable de rapper ça, comme on dit, assez rapidement. Mais les émissions de l'opinion du chef, lorsque j'étais mandaté par Denis, via courriel ou Facebook, je me devais de faire exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire des enchaînements musicaux tout à fait parfaits, une ambiance. Fallait que je me plonge complètement dans le sas, comme tu exactement. Disais, dans sa bulle. Oui, dans sa bulle. Et quand je venais ici à CKRL, j'étais complètement dans une bulle qui s'appelait l'opinion du chef. Et puis, Denis m'a transmis ça comme passion musicale. À ce temps, je suis capable de me faire, de faire des émissions en étant tout à fait en osmose avec moi-même. Puis Denis avait une grande force intérieure. C'est ça qui était quand même génial avec ce grand gaillard, comme disait Guylaine Saint-Pierre. Puis moi, je l'ai mis sur Facebook. Je dis, ce grand est flanqué, un running shoe. hiver comme été. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il arrivait ici avec ses petites lunettes, son manteau, ses Powerade bleus. Oui, il y avait beaucoup des Powerade bleus. C'est boisson énergisante. Et donc, pour boire énergisante, mais en tout cas, c'est comme des Gatorade. On s'en fout. Électrolyte, là. C'est ça. Mais au-delà de ça, c'est que moi, quand j'ai déménagé de Québec, de ma région natale jusqu'à Québec, il y avait trois émissions que je trouvais qui étaient fortes. L'Autoroute, L'Opinard du chef et Cool Jazz. Et c'est ce qui m'a donné le goût de venir ici, à CKRL, et de faire des émissions. Et quand j'ai rencontré Denis Barry, puis j'ai vu qu'il y avait un sac, non, pas un sac, une poche de hockey, de vinyle. Et combien de vinyle j'ai ramassé de Denis parce qu'il partait un peu précipitamment, parce qu'on arrivait, nous, notre équipe de tournée à soif, on arrivait souvent à 3-4, et puis Denis se devait, défonçait souvent son temps. Parce que l'ambiance était tellement magique, comme un peu ce c'est soir. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire ce soir. On est pas mal bien parti pour être dans la lignée de Denis. Là. Je vous annonce qu'on défonce ce soir. Et puis, là, je me ramassais avec un vinyle, un super beau vinyle de collection, quasiment. Et là, je le ramenais chez moi. Je l'écoutais pendant la semaine. Et je le ramenais à Denis la semaine d'après. Et là, il me disait... Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est très important pour moi. C'est un disque que j'affectionne particulièrement. Merci de l'avoir ramassé. De sa voix d'outre-tombe un peu. C'est drôle à dire au jour d'aujourd'hui. Mais ouais, Denis avait une voix qui est perceptible. Et encore, on l'a entendu avec les merveilleux extraits que Yves Dubois a su nous retrouver au travers du temps. Et entendre la voix de Denis... Ouf, regarde, ça transmet le frisson. Mmh. Puis Denis Barry, c'est un transmetteur de frissons. Que ce soit de sa voix, de sa musique et de son aura. Et pour avoir été dans son salon, boire du thé, jouer du tabla avec lui qui joue de la sitar devant moi pendant peut-être une heure de temps, j'ai eu un beau moment privilégié avec lui à ce moment-là, puis je pense que le monde aurait pu s'arrêter. Puis c'est le beau souvenir que je me rappelle de Denis. Puis c'est le beau souvenir que la plupart des musiciens qui ont pu collaborer avec lui se remémorera aujourd'hui. Parce que Denis, c'est un être authentique. Et puis, c'est un être d'énergie. L'énergie était très importante pour lui. Et aujourd'hui... Elle est toujours là. Et voilà. Et c'est un rassembleur, comme tu disais, Jean-Pierre. Puis très, très, très fier d'avoir suivi son émission depuis 8 ans. Pour moi, c'était comme important lorsque j'avais fait ma présentation de projet pour Ton oreille à soif. Je trouvais tellement que Le Pinard du chef était une belle piste d'envol. Et nous, Ton oreille à soif, on est un peu dans le délire psychédélique. Donc, on est comme un peu dans une espèce de trip qui vient de passer un autre stade. je trouvais que les jeudis, depuis 8 ans, ont été immuables. On se retrouvait en comité de programmation. On avait de la misère à bouger cette espèce d'énergie-là. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi, qui suivaient un peu. Souvent, il y en a qui allaient se coucher après l'opinion du chef ou ben non, au-delà de ça. Il y en a qui continuaient. Puis on a gagné une belle bande d'amateurs de musique psychédélique, grâce à Denis, justement. Parce que Denis, c'est un gars qui ouvre des portes. C'est un gars qui... c'est un gars d'énergie. Puis c'est un gars avec un aura magnifique. Suzy Turcotte a écrit, puis je trouve ça beau, juste pour faire une parenthèse, surfer un peu sur la vague. Suzy Turcotte, qui était animatrice, a écrit « Denis était un océan pacifique et ce calme continue. » Qui suivait un peu. Souvent, il y en a qui allaient se coucher après l'opinion du chef ou ben non, au-delà de ça. Il y en a qui continuaient. Puis on a gagné une belle bande d'amateurs de musique psychédélique grâce à Denis, justement. Parce que Denis, c'est un gars qui ouvre des portes. C'est un gars qui... c'est un gars d'énergie. Puis c'est un gars avec un aura magnifique. Suzy Turcotte a écrit, puis je trouve ça beau, juste pour faire une parenthèse, surfer un peu sur la vague. Suzy Turcotte, qui était animatrice, a écrit « Denis était un océan pacifique et ce calme continuera de nous enrober. » C'est une très belle conclusion. Suzy, je l'adore. Et puis, donc, on se revoit dans quelques instants pour la poursuite de cette espèce d'hommage de Denis Barry, puisque Ton oreille à soif fera nécessairement, je pense que c'est le cas, feront une sorte de suite et une continuité de cet hommage à Denis Barry, et ça jusqu'à minuit. Alors, on reste avec toi, Jean-Sébastien, sur les ondes du 89.1. Peut-être que beaucoup de gens, d'habitude, fermaient la radio à 22h. Mais là, on vous invite à continuer ce voyage que nous Restez avec nous, s'il vous plaît. Ça vaut la peine parce que Denis en valait la peine. Et en vaut toujours la peine.

Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par le Chitio Café. Complètement, je suis fiévreux, mais je suis quand même là avec vous ce soir. T'es là en train de baver dans le micro. Légèrement. Tu repars avec la mousse après l'émission? Moi, je vais passer à l'eau de Javel, puis je vais ramener demain matin. Au pire, tu... Oui, non, on a du purée. Remplant dans le purée. Elle est déjà partie. Elle est déjà plus là. Regardez. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Olivier Lantier et Jean-Sébastien Grondin à l'émission Ton oreille à soif dans un instant. J'ai toujours dit à mes amis, Jean-Pierre Malot, c'est probablement la seule personne que je connais dans la vie qui est capable de démonter un toaster et de le remonter, puis qui va fonctionner encore meilleur. Puis il va mettre un gadget. Si on pouvait faire de la musique avec nos toasters, ça serait encore meilleur. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Amateurs de rockabilly et de psychobilly, nous avons le plaisir de vous annoncer le Rockabilly Showdown qui aura lieu à l'Agité le vendredi 30 janvier. Présenté par Québec City Rockabilly et par CKRL, cette soirée rassemblera le rockabilly sauvage et énergique de Danny Dukes and the Northern Stars, composé d'anciens membres des Alley Dukes, ainsi que le psychobilly infatigable des Lab Rats, projet de Johnny Toxic. En première partie, Alex Coupe de Ville One Man Band Blues et Rockabilly. C'est un rendez-vous le vendredi 30 janvier à l'Agité, 251 rue Dorchester, dès 21h. Informez-vous sur la page Facebook de Québec City Rockabilly.